Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 95. De la divination. On montre que la divination est un péché de superstition, qu'elle se divise en plusieurs espèces, que la divination par l'invocation expresse des démons est toujours défendue, que la divination par les astres, par les songes, par les sorts, par les augures et par les présages, est pareillement superstitieuse et illicite. 1. La divination est-elle un péché? Il est écrit que personne ne consulte les pythonisses ni les devins. Deutéronome 28, 11. Le droit canon a renouvelé la même défense. L'homme ne connaît point à l'avance les futurs libres que doivent produire nos facultés raisonnables, capables de faire ceci ou cela, d'agir ou de ne pas agir. Il ne connaît pas davantage les futurs contingents qu'amènent fortuitement les agents physiques. On ne peut acquérir la connaissance de ces deux futurs qu'en les considérant en eux-mêmes car il est impossible de les prévoir par leurs causes, qui ne sont pas nécessairement portées à les produire. Or Dieu seul, qui, du haut de son éternité, voit l'avenir présent à ses regards, peut les contempler en eux-mêmes avant qu'ils soient arrivés. Lorsque quelqu'un a la prétention de les prédire sans une révélation divine, il usurpe le privilège de Dieu. De là est venu le mot devin, que l'on a dérivé du qualificatif latin divinus, pour marquer l'usurpation d'un rôle divin. Les devins eux-mêmes feignent souvent, par des artifices criminels, d'être rempli de la divinité, du moment que la divination par laquelle un homme s'arroge illégitimement la prédiction des choses futures est une usurpation coupable, elle est évidemment un péché. 2. La divination est-elle une espèce de la superstition? On peut pécher par superstition, non seulement en offrant des sacrifices aux démons, mais encore en recourant à eux pour faire ou pour connaître quelque chose. Or toute divination repose sur leur concours, car, ou on les invoque expressément pour savoir les événements futurs, ou bien, afin d'attirer les hommes à cette frivolité dont parle le roi prophète, quand il dit à la louange de celui qui a mis sa confiance en Dieu, il n'a point arrêté sa vue sur de vaines et trompeuses folies, psaume 39, 5. Ils s'ingèrent d'eux-mêmes dans les investigations par lesquelles on cherche vainement à découvrir l'avenir. Il est donc manifeste que la divination est une espèce de la superstition. Note. Elle rentre dans le culte des démons, à raison du pacte tacite ou express que l'on fait avec eux. Fin de la note. 3. Y a-t-il plusieurs espèces de divination? Il y a trois genres de divination, qui contiennent plusieurs espèces. Le premier genre se caractérise par l'invocation directe des démons, il porte le nom de nécromancie, parce que les esprits de malice semblent parfois prendre le langage des morts pour répondre aux questions qu'on leur adresse. Sont-ils invoqués expressément? Ils donnent leur réponse sur l'avenir de plusieurs manières, par des prestiges qui fascinent les sens, par des songes, par le langage ou l'apparition des morts, par l'organe d'homme vivant, tel que les possédés, enfin, par des signes et par des figures qui apparaissent, comme indices révélateurs, dans des objets inanimés, ce qui donne lieu à la géomancie, à la réomancie, etc. Le second genre de divination a lieu sans l'invocation expresse des démons, il consiste dans les observations que l'on fait sur les dispositions ou les mouvements d'un objet étranger. On lui donne le nom général d'augure. Considère-t-on le mouvement et la situation des étoiles, c'est l'astrologie, Étudie-t-on le vol ou le chant des oiseaux, le mouvement ou le cri des animaux, l'éternuement de l'homme ou le mouvement de ses membres? Ce sont les augures proprement dits. Applique-t-on à un événement des paroles prononcées par hasard? C'est le présage. Recherche-t-on l'avenir dans les linéaments de la main? C'est la chiromancie. Le troisième genre de divination se fait encore sans l'invocation formelle des démons. Ce sont les sorts ou sortilèges, dans lesquels on étudie les effets de certains actes accomplis dans le but de découvrir des choses cachées, par exemple, les formes que donnent les points dispersés au hasard sur le papier, le chiffre obtenu en jetant les dés, les mots que l'on trouve à l'ouverture d'un livre. En résumé, la divination forme, comme nous le disions, trois genres, la nécromancie, les augures, les sorts ou sortilèges, et chacun de ces genres contient plusieurs espèces. 4. La divination qui se fait par l'invocation des démons est-elle licite? La divination qui se fait par l'invocation expresse des démons est illicite dans son principe et dans ses suites. Elle est illicite dans son principe, à cause du pacte explicite que l'on fait avec les mauvais anges. Le prophète Isaïe s'élevait avec raison contre ceux qui disaient « Nous avons fait alliance avec la mort et signé un pacte avec l'enfer. » Isaïe 28, 15. Elle est illicite dans ses suites, car le démon, qui cherche en tout la perte des hommes, veut, par ses réponses où il annonce quelquefois la vérité, leur inspirer de la confiance en lui, pour les engager ensuite dans des actions contraires à leur salut. Note. Au sujet de ces paroles de l'Évangile, Jésus dit au démon, « Tais-toi, Luc 4. » Saint Athénas fait cette remarque, le démon disait la vérité, et cependant le Christ réprima ses paroles, de peur qu'il ne joignît à la vérité sa propre iniquité, et pour nous apprendre à mépriser ses discours, lors même qu'ils semblent conformes à la vérité. Ce n'est pas à lui de nous instruire, nous avons l'Écriture sainte. Fin de la note. 5. La divination par les astres est-elle illicite? Deux sortes d'effets ne dérivent pas nécessairement des corps célestes, les phénomènes contingents qui arrivent accidentellement, soit dans le genre humain, soit dans le monde physique, et toutes les actions qui procèdent de notre libre arbitre. Prétendre que ces corps exercent une action directe sur notre raison ou sur notre volonté, ce serait confondre notre esprit avec nos sens. Qu'ils inclinent, comme cause dispositive, aux opérations du libre arbitre, en agissant sur nos corps et par suite sur nos forces sensitives, nous l'admettons, mais comme les forces sensitives, tout en inclinant aux actes humains. Obéissent cependant à la raison, l'influence des astres n'impose à notre libre arbitre aucune nécessité. Il est bien permis de chercher à connaître par les calculs astronomiques et par l'inspection des corps célestes les phénomènes physiques qui arrivent nécessairement, comme les éclipses, les pluies, les sécheresses et les événements pareils. Mais consulter les astres pour connaître avec certitude les phénomènes fortuits et les futurs libres, c'est une divination superstitieuse et illicite. Note. Il faut, dit saint Augustin, fuir les astrologues et les devins, surtout ceux qui prédisent la vérité, afin d'éviter tout commerce avec les démons et pour ne pas donner dans de pernicieuses erreurs. Fin de la note. 6. La divination par les songes est-elle illicite? Que parmi vous, nous dit le Saint-Esprit, il n'y ait personne qui observe les songes. Deutéronome 18, 30. Quand on cherche à connaître l'avenir par des songes provenant d'une révélation divine ou d'une cause naturelle dont on ne dépasse pas les limites, la divination n'est ni superstitieuse, ni défendue. Mais, lorsqu'on veut le découvrir à l'aide d'une révélation des démons avec lesquels on a fait un pacte formel par quelque invocation ou un pacte tacite en cherchant à connaître des choses qui ne peuvent être connues que par leurs moyens, la divination est illicite et superstitieuse. Note. Les songes peuvent être la cause de certains événements futurs. Il suffit pour cela qu'il porte quelqu'un à faire ou à éviter une action. Parfois aussi ils sont les signes de l'avenir, et c'est ce qui a lieu quand ils sont produits par la cause même qui doit réaliser un événement. On ne saurait nier que Dieu donne aux hommes, dans le sommeil, certaines connaissances par le ministère des anges. Il a dit lui-même, « S'il y a parmi vous un prophète, je lui apparaîtrai en vision, ou bien je lui parlerai en songe. » Nombre 12, 6. Le démon, de son côté, découvre à ceux qui ont fait avec lui des pactes illicites, certains faits futurs par des images et des fantômes qu'il produit dans leur imagination pendant qu'ils sont endormis. Fin de la note. 7. La divination par les augures, par les présages et par les autres signes de même nature, est-elle illicite? Que parmi vous il n'y ait personne qui observe les augures. Deutéronome 18, 10. Il peut se faire que certaines actions des animaux soient les signes de l'avenir, car elles peuvent être conformes à l'action même des causes qui produisent les phénomènes, c'est-à-dire aux dispositions des corps célestes et de l'air ambiant. Ainsi on peut connaître par l'instinct des animaux les pluies, le beau temps, les vents, et d'autres accidents pareils. Le mille ans, disait Jérémie, connaît dans le ciel son jour, la tourterelle, l'hirondelle et la cigogne savent discerner la saison de leur migration. Jérémie 8, 7. Cet instinct des animaux peut provenir aussi de deux causes spirituelles, de Dieu lui-même, comme on le voit par la colombe qui descendit sur Jésus-Christ, par le corbeau qui nourrit Élie, et par la baleine qui engloutit Jonas, ensuite du démon, qui se sert parfois des actions des bêtes pour nous engager dans de vaines opinions. Il en est de même des présages et des autres pronostics pareils. C'est pourquoi nous devons enseigner que toutes ces sortes de divinations, dès qu'elles dépassent les limites de l'ordre naturel et de la providence divine, sont illicites ou superstitieuses. Note. Gédéon regarda comme un présage le récit et l'interprétation d'un songe, mais il y reconnaissait un événement préparé par la providence divine. Que si Eliezer, serviteur d'Abraham, vit un avertissement dans les paroles de Rebecca, c'est qu'il avait prié Dieu de l'éclairer par ce signe. Juge 7. Fin de la note. 8. La divination par les sorts est-elle illicite? Si on fait dépendre les sorts de l'influence des astres ou de l'action des démons, ce genre de divination est illicite et défendu par les saints canons. Si on attend de Dieu la décision qui sera donnée, conformément à cette parole, les billets du sort se jettent dans le pan de la robe, mais c'est le Seigneur qui en dispose. Proverbe 16, 33. La voie du sort n'est pas mauvaise en soi, bien qu'il n'en faille point abuser. Enfin, si on charge pour ainsi dire la fortune elle-même de la décision, comme lorsqu'on tire au sort des lots sur lesquels on ne s'accordait pas dans un premier partage, ce moyen n'a rien de blâmable. Note. Le jugement par le fer rouge ou par l'eau bouillante rentrait dans l'essor, mais il en dépassait l'idée générale en ce qu'il avait pour but de provoquer un miracle de la puissance divine. Cette divination judiciaire était superstitieuse, d'abord, parce qu'elle avait pour but de juger les choses cachées qui sont réservées au jugement de Dieu, ensuite, parce que l'Église ne l'a jamais sanctionnée. Les saints canons, disait le pape Étienne, n'autorisent point à arracher à une personne, par l'épreuve de l'eau bouillante ou du fer chaud, la confession de son crime, ce qui n'est pas approuvé par les pères. On ne doit pas le tenter par une vaine superstition. Il faut dire la même chose des duels. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.